Quant à toi, François, tu nous parles de la journée internationale contre le sida qui était jeudi dernier, le 1er décembre. Tout à fait. Oui, alors, et quelques jours auparavant, le 21 novembre dernier, l'ONU-SIDA rendait public son rapport annuel. Et la bonne nouvelle est que l'accès au traitement a connu une nette progression depuis l'an passé. Présentement, 18,2 millions de personnes atteintes par le virus dans le monde ont accès à des traitements efficaces, c'est-à-dire 1,2 million de plus que l'an passé, et c'est deux fois plus qu'il y a cinq ans. Rappelons qu'actuellement, 36,7 millions de personnes vivent avec le virus dans le monde, surtout en Afrique. Cela signifie qu'environ une personne sur deux a accès au traitement. La situation mondiale s'est grandement améliorée, mais on voit qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire pour ce qui est de l'accès au traitement. Ben oui, parce qu'il en manque, il en reste un million, si je comprends bien. Et quel est le nombre de décès liés à cette maladie? En fait, est-ce qu'il a baissé? Est-ce que les décès ont baissé? Oui, le nombre de décès a baissé de 45% en 2015, relativement à 2005, passant de 2 millions en 2005 à 1,1 million en 2015. C'est quand même appréciable. Oui, tout à fait. Alors, en 2005, il faut spécifier aussi qu'il y a eu un pic de mortalité qui avait été atteint cette année-là. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais c'est quand même inacceptable qu'autant de gens en meurent encore parce qu'il existe présentement un traitement qui est efficace contre la maladie. Alors, selon Michel Sibidé, le directeur de l'ONU-SIDA, l'organisation espère atteindre l'objectif de 30 millions de personnes sous traitement d'ici l'an 2020. Et est-ce qu'on a des données sur le nombre des nouvelles transmissions? Parce que ça fait partie du combat contre le sida aussi. Tout à fait. Alors, l'année dernière, environ 2,1 millions de personnes ont été infectées par le virus dans le monde. Le rapport souligne que les jeunes femmes de 15 à 24 ans sont particulièrement à risque, notamment en Afrique subsaharienne. Toujours selon Michel Sibidé, elles font face à une triple menace, c'est-à-dire un haut risque d'infection, peu de tests de dépistage disponibles et aussi peu de suivi des traitements. Toujours selon le rapport de l'ONU-SIDA, 7500 jeunes filles ont été infectées chaque semaine en 2015 à l'échelle mondiale. Alors, pour terminer, je voudrais rappeler que depuis le début de l'épidémie qui remonte au début des années 80, environ 78 millions de personnes ont été infectées par le VIH dans le monde et qu'environ 35 personnes en sont mortes. Et du côté des traitements, est-ce qu'il y a de la nouveauté? Il n'existe toujours pas de vaccin curatif ni préventif. Seulement les multithérapies permettant de stopper la réplication du virus chez les personnes atteintes, mais pas de l'éradiquer. Mais il y a quand même beaucoup de recherches présentement en cours dans le développement de vaccins. On va rester dans le domaine de la médecine humaine, mais en s'intéressant maintenant à la technologie CRISPR-Cas9. Oui, alors le 28 octobre dernier, des chercheurs ont injecté pour la première fois à un patient, à un humain, des cellules contenant des gènes modifiés par la nouvelle technique révolutionnaire CRISPR-Cas9. Alors, cet acte médical a été effectué dans le cadre d'un essai clinique mené au West China Hospital en Chine sur un patient atteint d'un cancer agressif du poumon. Pour y arriver, les chercheurs ont prélevé des cellules du système immunitaire chez le patient et ont utilisé la technique CRISPR-Cas9 pour désactiver un gène qui permet au cancer de se développer. Et ils ont ensuite réinjecté au patient les cellules modifiées génétiquement. Peut-être que tu peux nous rappeler brièvement ce que c'est la technique du CRISPR-Cas9. Oui, Jean-Daniel Doucet en avait parlé à Futur Simple il y a un an. Oui. Il s'agit d'un outil simple à utiliser pour éditer ou, si vous préférez, pour modifier les gènes, une espèce de ciseau moléculaire permettant de faire du copier-coller avec le matériel génétique et de façon très précise. Il a d'ailleurs été utilisé en 2012 sur une souris pour traiter une dystrophie musculaire et avec succès. Donc voilà ce petit rappel. Et donc, en fait, revenons aux patients atteints du cancer du poumon. Est-ce que le traitement a fonctionné? Il est encore trop tôt pour le dire, mais les chercheurs ont affirmé que le traitement initial avait bien fonctionné et que le patient recevrait une autre injection.